Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un grand sculpteur baroque que Franck Ferrand a choisi de nous faire découvrir ou redécouvrir cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Même si vous connaissez déjà le Bernin surnommé le second Michel-Ange, je suis prêt à prendre le pari que vous allez le redécouvrir dans l'heure qui vient là maintenant. J'ai en effet convié Serge Lega à venir nous en parler et les habitués de l'émission savent qu'un artiste évoqué par Serge Lega n'est plus tout à fait le même. Il acquiert une dimension nouvelle. Alors en l'occurrence, vous allez comprendre pourquoi le Bernin est considéré comme le plus grand de tous les maîtres baroques. Et à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Audrey sur les origines de cette habitude que l'on a prise dans les tribunaux de faire représenter les différents acteurs d'un grand procès par des dessinateurs attitrés. Vous avouerez que ça, c'est une question bien précise, quasi juridique, bien affûtée. Eh bien, à propos de précision et d'affûtage, je vous propose de suivre maintenant le ciseau du maître lorsqu'il attaque son bloc de marbre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. J'avais 14 ans, c'était mon premier voyage à Rome, un voyage scolaire, et nos professeurs avaient choisi de nous conduire en plein Trastevere, le quartier populaire de la capitale italienne, dans l'église San Francesco a Ripa. C'est comme cela que je me suis retrouvé face à la sculpture la plus forte, la plus expressive que j'ai vue jusqu'alors, un tour de force exceptionnel qui rend le marbre blanc si froid, si pesant, à la fois très léger au regard et très chaud, palpitant, frémissant. C'était donc pour cette extase de Ludovica Agostinelli. Nous allons y venir tout à l'heure, bien sûr, avec Serge Lega. Ça fait partie des œuvres dont nous parlerons, bien entendu. Mais je vous avoue que j'étais sidéré, moi, de voir ce morceau de marbre frémissant comme ça. Qui a bien pu réaliser un chef-d'œuvre pareil, ai-je demandé. C'est le Bernin, m'a répondu un professeur. Voilà un nom que je connaissais même bien pour l'avoir plusieurs fois croisé dans mes lectures sur Versailles. Sur Versailles, oui, car le maître en question était venu en France, invité par Louis XIV au moment même où le jeune monarque était en train de remanier le relais de chasse de son père pour en faire un vrai château. Or, l'image qu'il avait laissée en France et à Paris ne me semblait pas, d'après mes lectures, être celle d'un grand génie. Tout à l'heure, avec Serge Lega, nous allons rendre hommage au génie, bien entendu. Mais pour le moment, laissez-moi donc vous le raconter, ce séjour français de Monsieur Bernin. Voyez-le déjà qui s'approche, pensif, épuisé dans ce gros carrosse qui vient d'entrer dans Paris. Nous sommes en l'an de grâce 1665 et Gian Lorenzo Bernini, qu'on appelle en France le Bernin ou encore le cavalier Bernin, a 67 ans. C'est beaucoup pour cette époque-là, surtout quand on vient de faire un très long et épuisant voyage. Il possède la faveur des papes, le Bernin, l'admiration de l'Europe entière. Songez, il est en titre architecte de Saint-Pierre de Rome et ses plus célèbres sculptures ont été gravées tant de fois qu'elles ornent dans de beaux cadres les salons des bonnes maisons de tout le continent et pas mal de sacristies également. Il signore Bernini est le maître, le grand maître, l'indépassable maître du style baroque. De quoi fasciner la France de l'époque. On est au début là du règne personnel de Louis XIV. C'est Colbert qui est en charge des Beaux-Arts. Il a été nommé à la surintendance des bâtiments. Un paradoxe hein, quand on sait que cet homme austère, fils de drapier, est nettement plus à son aise dans les listes, comment dire, dans les comptes, dans les règlements administratifs, etc., que dans les galeries de collectionneurs. Pour Colbert, tout s'analyse en termes de priorité. Et sa priorité du moment en matière d'architecture, c'est l'achèvement du palais du Louvre. Voilà ce que nous dit Ludovic Lalanne dans la notice qui précède le voyage du cavalier Bernin qui avait été écrit à l'époque par un certain Chanteloup. Je le cite. Lorsqu'en 1664, Colbert fut nommé à la surintendance des bâtiments du roi, le premier objet de ses préoccupations fut l'agrandissement et l'achèvement du Louvre, dont Louis XIV voulait faire la plus magnifique des résidences d'Europe. Sous Mazarin, Louis Le Vau, premier architecte du roi, avait construit la façade du côté de la Seine. Et pour la façade principale, celle qui regarde Saint-Germain-l'Auxerrois, il avait fourni des plans que l'on commençait à exécuter. Seulement voilà, Colbert est donc arrivé aux affaires, il a fait arrêter les travaux. Il trouvait que les plans de Levaux n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il entendait manifester comme puissance royale à travers l'architecture de ce palais qui devait dominer tous les autres, évidemment. Et il décide de recourir à des architectes italiens. Faut pas oublier l'importance, le rayonnement de l'Italie à l'époque. Alors on envoie des copies des dessins de Levaux en Italie pour demander de nouveaux projets aux personnes qu'on juge les plus compétentes. Et pour ça, Colbert a sur place à Rome un agent qui est l'abbé Benedetti. Alors l'abbé Benedetti va consulter Pierre de Cortone, Rinaldi, Landiani, qui est un gentilhomme amateur. Tous conçoivent des plans plus extravagants les uns que les autres. L'architecte Borromini demande à être payé d'avance, ou en tout cas il veut que le roi lui adresse une, vous savez, un engagement ferme, une sorte de lettre d'engagement signée de sa main. Finalement, l'abbé présente les plans de Levaux au cavalier Bernin, alors il semblerait que Levaux avait, entre parenthèses, promis 4000 pistoles à Bernin s'il approuvait les plans qu'il avait fait lui-même. Ludovic Lalanne raconte « Giovanni Lorenzo Bernino Bernini, architecte, sculpteur et même peintre, né à Naples en décembre 1598, était alors à l'apogée de sa gloire. Favori des papes Grégoire XV, Urbain VIII, Innocent X, Alexandre VII, il en avait enterré quelques-uns comme vous voyez, il avait rempli Rome de bustes, de statues en marbre et en bronze, de monuments dont deux, la fontaine de la Piazza Navona et surtout la colonnade de Saint-Pierre, suffiraient à immortaliser son nom. » Aucun artiste ne l'égalait en talent ni en réputation. Aussi, quoi qu'il eût écrit à Colbert le 4 mai 1664 pour le remercier d'avoir songé à lui, se montra-t-il blessé quand il apprit qu'on s'était aussi adressé à d'autres? Alors comme ça, on s'adressait à Bernin, mais pas seulement à lui. Néanmoins, il se mit à l'œuvre et le 24 juin, il lui annonçait l'envoi de ses dessins et d'un mémoire explicatif. Alors évidemment, le plan envoyé par le cavalier Bernin est nettement plus spectaculaire. Et pourtant, le plan en question n'est pas tellement bien accueilli à Paris. Le Bernin va finir par envoyer de nouveaux dessins en janvier 1665, qui sont nettement mieux appréciés dans l'entourage de Colbert. Et à ce moment-là, on se décide à lui offrir le voyage. Il va venir lui-même à Paris pour pouvoir prendre la mesure des lieux et pour pouvoir dresser de nouveaux plans qu'il sera dès lors en mesure de présenter lui-même à Sa Majesté. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du Bernin, le sculpteur italien. Alors, en fait, il faut vous faire une idée de ce que pouvait être l'arrivée d'un artiste de la réputation du Bernin dans le Paris du début du règne de Louis XIV. Colbert avait un secrétaire à l'époque qui porte un nom très célèbre parce que beaucoup, beaucoup plus tard, il publiera des contes. Je dis des contes, des récits. Je dis qu'il les publiera parce qu'on ne sait pas si c'est lui qui les a écrits ou son propre fils. Vous savez, ça c'est un mystère historique. En tout cas, l'homme en question s'appelle Charles Perrault, bien entendu. Voilà ce qu'il raconte dans ses mémoires. « C'est une chose qui n'est pas croyable que les honneurs que l'on fit au cavalier Bernin. Quand monsieur de Créqui alla prendre congé du pape, il alla chez le cavalier Bernin le prier de venir en France et quand il partit de Rome, toute la ville fut dans une grande alarme, à ce que l'on dit, pour la crainte que l'on avait que le roi ne le retint en France pour toujours. Dans toutes les villes par où il passa, les officiers eurent ordre de la part du roi de le complimenter et de lui porter les présents de ville, comme s'il s'agissait tout simplement d'un chef d'État en vérité. Alors, grâce aux notes dont je vous parlais tout à l'heure, ces notes prises par Chanteloup pendant le séjour du Bernin à Paris, on peut se faire une idée assez précise de ce voyage. Voilà ce que nous dit Ludovic Lalanne. Depuis le 2 juin 1665, où il alla à sa rencontre à Juvisy, jusqu'au 20 octobre où il lui fit ses adieux à Villejuif, Chanteloup passa toutes ses journées auprès du Bernin. Il avait noté soigneusement les particularités les plus intéressantes de sa vie à Paris, ses travaux, les nombreux visites qu'il avait reçues et rendues, ses théories artistiques, les anecdotes qu'il aimait tant à conter. Quelques années plus tard, à la sollicitation de son frère aîné, Jean, qui n'avait jamais connu le cavalier et qui depuis longtemps vivait retiré dans sa province, il rédigea ses notes en forme de journal. Ce journal resta manuscrit et son existence fut pour la première fois révélée au public par les mémoires de Charles Perrault. Et en fait, il ne sera réutilisé, ce journal, il ne deviendra célèbre que dans les années 1880. Il va donc falloir attendre la fin du 19e siècle pour qu'on sache exactement à quoi avait bien pu ressembler rassembler ce voyage. Alors il arrive donc le Bernin le 2 juin 1665. On l'installe à l'hôtel de Frontenac. Le 3, le lendemain, Colbert en personne vient lui rendre visite. Vous avez bien entendu, hein, c'est pas l'artiste qui s'en va chez le Premier ministre. C'est le Premier ministre, en tout cas le principal ministre, devrais-je dire, qui vient rendre visite à Bernin. Le 4 juin, le cavalier Bernin rencontre enfin Louis XIV dans son château, hein, puisque Louis XIV à l'époque vit à Saint-Germain-en-Laye. Monsieur Colbert est venu le matin, nous dit Chanteloup, jour de la fête Dieu, prendre le cavalier comme il l'avait dit. Les seigneurs, alors il cite toutes sortes de noms, avec moi sommes entrés dans le carrosse, dit-il. Il y avait un carrosse de la suite du roi pour les gens du cavalier. On est arrivé à Saint-Germain à 9h du matin. Monsieur Colbert a été descendre chez lui au vieux château et y a été quelque temps avec le cavalier, puis il l'a mené au château neuf, où est le logement de Sa Majesté et des reines. Les reines, c'est les épouse de Louis XIV, évidemment, Marie-Thérèse d'Autriche, mais aussi sa mère, Anne d'Autriche. Donc, en entrant dans l'antichambre, nous dit Chanteloup, on a appris que le roi n'était pas encore habillé. Monsieur Colbert est entré dans la chambre et après en être ressorti, il nous a fait faire le tour et a mené le cavalier dans le cabinet de Sa Majesté où étaient messieurs les maréchaux de Gramont, du Plessis et autres personnes de haute qualité. Là, il s'est entretenu avec eux. Le roi étant tout habillé, Monsieur Colbert a fait entrer le cavalier dans la chambre et lui a fait saluer Sa Majesté qui s'était mise à la croisée d'une fenêtre avec le premier gentilhomme de sa chambre et le maître de la garde-robe. Enfin, vous voyez qu'on est en train là de décrire une visite qui est tout simplement la visite d'un chef d'État étranger. Et c'est un sculpteur dont on parle. C'est un artiste, devrais-je dire, parce qu'il est aussi un peu peintre à ses heures. C'est donc un personnage tout à fait extraordinaire que Louis XIV reçoit en audience particulière. Alors, le 5 juin, Colbert emmène Bernin enfin au Louvre, à pied d'œuvre, si je puis dire, et il va commencer ses dessins tout de suite, hein, puisque on a les premiers dessins du Bernin qui sont datés du 7 juin de cette année 1665. Vous voyez, il n'a pas perdu de temps. Alors, il va passer donc l'essentiel de son temps dans la capitale française à dresser de nouveaux plans, à établir, à travailler à des dessins. En fait, il peut pas encore se douter de ce qu'on va faire de ses dessins, Bernin. Et très vite, le Louvre, évidemment, va devenir l'obsession du génie, bien entendu. Louis XIV en profite quand même pour lui commander un portrait, ou pour être plus exact, un buste de sa personne. Voilà ce que nous dit Lalanne. Bernin mena à Paris une vie fort laborieuse et assez retirée. Après les plans du Louvre, le travail auquel il se livra avec le plus d'assiduité fut le buste de Louis XIV, qu'il ne termina que peu de temps avant son départ. Ce buste, aujourd'hui au musée de Versailles, attira dans son atelier la cour et la ville. Et oui, parce que la grande attraction, vous savez, il faut bien se mettre dans l'esprit de l'époque. On est en présence d'une cour de France qui ne sait pas quoi faire pour se distraire. Et là, elle a sous les yeux, si je puis dire, ou à portée de main, ou à portée de vue, elle a le plus grand artiste vivant de l'époque. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va faire l'après-midi? Ben, on prend son carrosse, on vient de Saint-Germain, on arrive à Paris, et on va dans l'atelier où le cavalier Bernin est en train de sculpter le fameux buste du roi. Et donc le pauvre, il travaille presque constamment en public. Dès la fin du mois de juin, le Bernin s'est fait mettre à disposition deux gros blocs de marbre assez friables, de qualité moyenne d'ailleurs, ce qui explique que l'artiste ait préféré travailler à la gradine et au trépan plutôt qu'au traditionnel ciseau. Il se dit que le marbre français sinon ne résisterait pas. Ça fait partie, vous savez, quand on arrive de Rome, évidemment, on a l'habitude de travailler le marbre de Carrare. Alors là, le marbre français, vous voyez, il fait un peu la moue, Bernin, ça fait bien, évidemment. Et il aura bientôt son atelier au Palais Royal. Et le 11 août, et le 5 octobre, donc à deux reprises, on voit le roi Louis XIV en personne qui se déplace pour venir assister au travail du Bernin. On se demande un peu ce que sont devenus les dessins pour le Louvre en attendant. Pour l'instant, il est très occupé à sculpter cet extraordinaire buste. Alors je dis extraordinaire parce qu'évidemment, on peut aller l'admirer dans les grands appartements du château de Versailles encore aujourd'hui. C'est une chose assez inouïe. Je suis loin de considérer qu'il s'agit du plus beau buste de Louis XIV. Il y en a de bien plus expressifs, de bien plus vrais, me semble-t-il. Mais celui-là a une chose qu'on ne pourra pas lui enlever. C'est le brio, c'est l'éclat, c'est la manière fantasque, tourmentée, assez tourbillonnante avec lequel, une fois de plus, le maître a travaillé la matière. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de l'histoire du Bernin avec Franck Ferrand. Vous pouvez réagir à l'émission sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Vous pouvez envoyer vos messages via Twitter, hashtag ACDH, sur le compte également de Franck Ferrand ou sur Twitter et Europe1.fr. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et grâce à vous, aujourd'hui, Franck, on suit les pas du sculpteur italien Le Bernin. Alors, le 5 octobre, le fameux buste de Louis XIV est déclaré officiellement achevé. Il est remis au roi et évidemment, Le Bernin en profite pour se fendre d'un petit compliment comme on pouvait faire à l'époque. Il dit, nous dit Chanteloup, il dit à Sa Majesté que l'ouvrage était achevé, qu'il souhaiterait qu'il fût d'une plus grande excellence et qu'il y avait travaillé avec tant d'amour qu'il croyait qu'il était le moins mauvais portrait qui fût sorti de ses mains, qu'il avait un regret d'être obligé à s'en retourner, et oui car il va déjà partir Bernin, pour ce qu'il s'estimerait heureux de finir sa vie à son service, non pas pour ce qu'il était un grand roi de France, mais parce qu'il était connu que son esprit était encore plus relevé que sa condition. Ça fait partie des espèces de platitudes qu'on avait l'habitude de dire dans ce genre de circonstances. Et finissant ses paroles, nous dit Chanteloup, qu'il a fort mal prononcé, oui parce qu'il devait avoir un accent épouvantable, il s'est mis à pleurer de telle sorte qu'il lui a été impossible de parler davantage et il s'est retiré. Le roi l'a traité le plus honnêtement du monde et a dit à l'abbé Bouty, qui était proche pour le lui dire, que si le cavalier entendait la langue, il lui ferait connaître les sentiments qu'il a pour lui et lui dirait des choses dont il aurait lieu d'être extrêmement satisfait, qui correspondaient bien à l'affection qu'il lui faisait paraître. Voilà l'espèce de discours au moins aussi chantourné que peut le devenir le marbre lorsqu'il est traité par le ciseau du sieur Bernin. Les deux grands hommes, on va dire, auront l'occasion d'avoir de nouveau à faire l'un à l'autre lorsque le Bernin supervisera la réalisation de la statue équestre de Louis XIV par les élèves de l'Académie de France à Rome entre 1671 et 1673. Alors, le buste a d'abord été placé au Louvre en 65, bien entendu. Ensuite, il est allé au rez-de-chaussée des Tuileries. Et à l'automne 1684, au moment où le château de Versailles était considéré comme achevé ou quasiment achevé, il a donc été déplacé à Versailles où il est aujourd'hui, on peut le voir comme je vous le disais. Il est dans le salon de Diane actuellement. Il est même, disons-le, le principal ornement du salon de Diane. Alors, après avoir remis son buste au roi, Bernin, qui a déjà rallongé son séjour parisien de 2 mois et qui souhaite quitter la ville avant l'arrivée de l'hiver, encore une fois, c'est un monsieur, il a 68 ans maintenant, il est sur le point de rentrer à Rome, le roi pose avec une grande solennité, nous dit Lalanne, la première pierre du nouveau bâtiment du Louvre. Donc on a grosso modo accepté ce que Bernin a voulu pour le Louvre. Et dans cette cérémonie, tous les honneurs furent pour l'artiste à qui le surlendemain, le trésorier des bâtiments et son secrétaire, donc Charles Perrault, portèrent les présents du monarque qui étaient absolument somptueux. Vous imaginez ce que c'était qu'un cadeau fait par Louis XIV, bien entendu. Et dès le 20, il quittait Paris. Voilà en quels termes la Gazette de France nous apprend ce départ. Le 20 octobre, le chevalier Bernin, après avoir pris congé du roi et laissé un dessin de ce qui est à faire pour l'accomplissement des bâtiments du Louvre, partit de cette ville pour retourner à Rome. Sa Majesté lui ayant fait donner, outre 10 000 écus qu'il a touchés avant de venir en France, 11 000 écus et 3 000 louis d'or effectifs avec un brevet de pension de 2 000 écus, etc. etc. Et la Gazette s'attarde sur tous les cadeaux, bien entendu. Alors ce qu'il faut vous dire quand même, parce que c'est toute l'ironie de cette histoire et c'est ce qui la rend assez cocasse, c'est que donc Bernin quitte Paris à l'automne 1665. Les travaux, sous prétexte que c'est l'hiver, qu'on va quand même pas se mettre à faire des travaux en novembre, vous voyez, on va attendre le mois de mars pour lancer les travaux, sauf qu'en 1666, les travaux ne commencent pas, figurez-vous, et puis fin 1666 non plus, puis en 1667, c'est un peu dur à admettre, mais on décide d'abandonner le projet du sieur Bernin. Ce ne sera finalement pas lui qui va se charger de la grande façade du Louvre du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois. On va confier le chantier au frère de Charles Perrault, Claude Perrault, qui va faire sa célèbre colonnade, la petite colonnade de Perrault, vous savez. Alors quand même, pour faire passer la pilule du refus, Colbert commande à Bernin, donc en cette année 1667, une statue équestre. Il devait être furieux, vous imaginez, quand il a appris ça à Rome. On lui confie une statue équestre de Louis XIV sur le modèle du Constantin du Vatican. La statue en question, elle est réalisée par les élèves de l'Académie de France, mais sous la conduite et d'après un modèle en terre cuite qui a été réalisé par Bernin. Elle est réalisée de 1671 à 1673. Il faut croire qu'à Paris, on n'est pas tellement pressé de la voir arriver, puisqu'en 1677, elle est toujours à Rome. Et elle est déclarée enfin achevée par achevée en 77. Elle ne sera livrée, figurez-vous, qu'en 1684. 1684, ça veut dire qu'à l'époque, Le Bernin est déjà mort depuis 4 ans. Or, le jour de l'inauguration qui a lieu à Versailles, toute la cour est réunie autour de Louis XIV pour assister donc au dévoilement de la statue. On retire le drap. Hum, fait Louis XIV. Hum, fait Colbert. Hum, fait la cour tout autour. Disons-le, la statue ne plaît pas vraiment. Louis XIV se penche vers le ministre. D'ailleurs, je dis Colbert, mais c'était Louvois qui était là à l'époque, pardon. Et il lui dit, on me dirait juché sur un gros cheval de carrosse. Ça, c'est dire que ça plaît pas beaucoup. Finalement, Louvois va avoir une idée. On va confier à monsieur Girardon le soin de transformer cette statue du roi en statue historique. On va dire que c'est une statue de Marcus Curtius se jetant dans les marais de l'éther, n'est-ce pas? Et puis, ce Marcus Curtius, on va l'installer dans un premier temps sur la pièce d'eau de Neptune à Versailles. Et puis, on trouve que c'est encore trop près. Ça se voit encore trop depuis le château. Donc, on l'exilera carrément. Tout au bout, mais alors là-bas, tout au bout de la pièce d'eau des Suisses. Adieu le cavalier, et quand je dis le cavalier, c'est à tous les sens du terme. Bonjour Serge Lega. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'ai parlé moi de ce petit, de ce court, mais célèbre voyage en France du cavalier Bernin. Maintenant avec vous, nous allons reprendre l'ensemble de sa vie et surtout de son œuvre. Bernin est à l'honneur cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vous recevez Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, historien d'art et conférencier des musées nationaux. Alors, vous me disiez à l'instant, Serge, que cette statue réputée de Marcus Curtius, qui au départ était quand même une statue équestre du roi Louis XIV, était une des très rares qui n'avait pas subi les foudres des révolutionnaires. Oui, en fait. Au fond, l'insuccès de la sculpture dont vous venez de parler, Franck, tout compte fait, a sauvé la sculpture, puisqu'au moment de la Révolution, cette statue passait pour être Marcus Curtius, et donc c'est une statue qui n'a pas été détruite, alors que toutes les statues monumentales des rois de France ont été détruites sous la Révolution. Celle-ci, eh bien, d'une certaine façon, c'est son échec qui l'a sauvée. Alors, elle a connu par la suite une postérité étonnante, cette statue, puisqu'un jour, M. Yeo Ming Pei, le grand architecte américain d'origine chinoise, hein, qui est l'auteur de la pyramide du Louvre, cherchait quelque chose à mettre à côté de l'entrée de sa pyramide au Louvre. Il s'est promené un petit peu. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Dans les réserves de Versailles, en fait. Exactement. Et c'est la statue qui se trouve donc dans l'axe, puisque, vous le savez, le problème de la pyramide du Louvre, c'est qu'elle est évidemment centrée sur la cour du Louvre, mais elle n'est pas dans le grand axe de l'arc de triomphe du carrousel et également, bien évidemment, de l'arc de triomphe de l'étoile. Et donc, il fallait un point axial. Et c'est tout compte fait la statue de Louis XIV qui a été choisie. Alors, évidemment, une version moderne. C'est une fonte de 1988. Qui a été réalisé et qui est donc au fond un hommage très tardif, mais un hommage à Bernin et à Louis XIV. Comme quoi finalement Bernin aura fait quelque chose pour le Louvre. Exactement. Parce que pour ce qui est de la colonnade, alors là non, on n'en a pas voulu. Alors on ne sait pas aujourd'hui, hein. J'ai cherché un peu ça pour au moment de préparer cette émission et je n'ai pas trouvé, on n'a pas trouvé la raison exact du refus du projet. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit, moi je vivais sur cette légende, qu'en fait le projet n'avait pas plu, etc. Mais le projet a plutôt plu en vérité. Oui, c'est-à-dire simplement il n'a pas été réalisé. Voilà, le premier projet, le projet italien, vraiment, lui avait des plus parce qu'il était complètement en dehors du principe français et puis même le coût était absolument astronomique pour l'époque. Même pour l'époque, la France n'était pas prête à envisager un tel coût pour un chantier architectural. Il n'y avait que le pape qui pouvait s'offrir ça. Exactement. À l'époque. Et ce qui est peut-être la vraie raison, c'est que la colonnade du Louvre relève de ce que l'on appelle le parti français. Et on voulait vraiment, au fond, à un moment, que ce soit un collectif d'architectes français qui réalise la façade d'honneur du Louvre. Et Bernin était trop connoté italien, évidemment, au sens premier du terme. Et baroque, parce que tout est baroque, là, bien entendu. Alors on va venir justement à ce qu'est le baroque, parce qu'on emploie ce mot depuis tout à l'heure. Et il y a sans doute une partie de nos auditeurs qui se disent, mais de quoi il nous parle exactement? Comment est-ce que ça peut se définir, cet art baroque? On y vient évidemment dans un instant. Avant ça, une précision toute simple. Comment faut-il l'appeler ce brave homme? Parce que certains disent le cavalier Bernin, d'autres le Bernin, d'autres Bernini, puisque dans les ouvrages les plus récents, maintenant, ça y est, on l'appelle carrément à l'italienne. Oui, c'est son nom italien, Gian Lorenzo Bernini, c'est son véritable patronyme. Évidemment qu'on a déformé en français en Bernin. Alors le Bernin, c'était l'habitude que l'on avait de donner cette sorte de le de majesté à beaucoup d'artistes. Comme on dirait pour les chanteurs. chanteuse la Malibran ou absolument, la Calas. Absolument, c'est exactement ça et qu'on a plutôt tendance à supprimer de nos jours. Et le cavalier Bernin, c'est tout à fait logique puisqu'il a obtenu le titre de chevalier à l'âge de 23 ans. Ça, c'est aussi une chose très révélatrice. 23 ans, il obtient un titre exceptionnel, celui de chevalier. Il faut penser que son grand rival Borromini aura le même titre de chevalier, mais Borromini aura 53 ans quand il obtiendra le titre. On voit la différence. Donc, en fait, il est anobli par le pape, disons, les choses. Oui, c'est une sorte d'anoblissement. Décoré, hein, c'est tout ça à fait. C'est plutôt une décoration. Mais quasiment pas dans l'enfance, mais en tout cas au sortir de l'enfance. C'est un prodige. On peut parler d'un prodige. C'est un enfant précoce qui avait évidemment une belle antériorité puisque son père, Pietro Bernini, était sculpteur reconnu. C'est un sculpteur d'origine toscane qui a travaillé dans différentes régions d'Italie. On le retrouve entre autres à Naples. C'est la raison pour laquelle Bernin est né à Naples. Naples avec laquelle il n'a aucune véritable lien. Il n'y a aucun lien véritable. Simplement, son père travaillait à l'époque à Naples. Et donc, il y a ce lien avec un père brillant, sculpteur plutôt maniériste, pourrait-on dire. Et Bernin a donc été formé tout de suite à l'école de la grande statuaire par ce père. Et il avait, je disais tout à l'heure qu'on l'a surnommé le second Michel-Ange, il a très tôt une espèce de passion pour Michel-Ange. C'est la passion dévorante. C'est véritablement pour lui la référence en sculpture. C'est la référence absolue. C'est le maître qui représente tout le génie de la Renaissance, tout cet héritage antique revu par un goût de l'intensité dramatique, de la violence, de la force. C'est tout le talent de Michel-Ange que Bernin voudrait retrouver. Et le nom de second Michel-Ange est parfaitement justifié. Alors, le modelé extraordinaire des statues de Michel-Ange, on le retrouve dans celle du Bernin, évidemment. Oui, on retrouve en plus ce goût des matières comme le marbre, justement. Ce sont deux grands artistes du marbre qui arrivent à donner cette vie tout à fait extraordinaire. Ce sens de la palpitation de la vie sous le marbre est totalement évident chez Michel-Ange comme chez Bernin. Et on retrouve également cette façon de transcender les modèles qui ont été les leurs. Ils ont regardé l'Antiquité, ils ont compris l'Antiquité, mais chacun à une époque différente a su la transcender. Alors à la Villa Borghese, il y a une statue qui est célèbre, peut-être pas tellement pour ce qu'elle est elle-même, mais pour ce qu'elle représente. Hein. C'est donc la chèvre à Maltais. Qui est sans aucun doute un des premiers grands chefs-d'œuvre de Bernin. Mais alors, il faut dire à quel âge il le fait, c'est ça qui est inouï. Alors, justement, on a même un petit doute, puisque la chèvre à Maltais, certains envisageaient même une datation autour de 1609. Quand on sait que Bernin est né en 1598, c'est peut-être quand même peu exagéré. A priori, on va plutôt maintenant vers 1615, qui me paraîtrait quand même un peu plus juste au niveau de la chronologie. Mais c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Alors là, c'est un chef-d'œuvre très antiquisant. Je dirais qu'on est vraiment en rapport avec la statuaire hellénistique. On est totalement dans l'héritage de cette connaissance de la statuaire que son père lui avait beaucoup commandé de regarder. Alors, un héritage classique, une très grande connaissance de tout ce qu'on appelle l'iconologie, hein, c'est-à-dire les attributs qu'on donne à chacun des dieux et déesses de l'Olympe notamment, etc. Il vit dans ce monde antiquisant, on peut dire. Et d'ailleurs, toutes les premières grandes statues et tous les premiers grands groupes sculptés qu'il va produire sont des dieux et des déesses. Oui, en fait, on peut dire que son œuvre de sculpteur de jeunesse est à grande partie mythologique. Par la suite, il deviendra un grand sculpteur religieux. Notamment Apollon et Daphné, c'est très célèbre ça. Qui est aussi à la Villa Borghese d'ailleurs, la chèvre à Maltais, et qui est sans aucun doute une des œuvres les plus exceptionnelles. Parce que d'abord, c'est un tour de force technique. C'est une sculpture qui représente deux personnages, Apollon poursuivant la nymphe Daphné dont il est amoureux, mais Daphné n'aime pas Apollon. C'est le thème de l'amour impossible. Et c'est cette fuite éperdue avec Daphné devant, Apollon derrière. Exactement. Et puis au moment où Apollon atteint enfin la femme qu'il aime, elle lui échappe à tout jamais puisqu'elle se transforme en arbre et elle devient un laurier. C'est fou, c'est qu'on ne peut pas distinguer. Ça se joue au millimètre. On ne voit pas si on a affaire à du végétal ou à de l'humain. C'est prodigieux. On voit déjà les pieds qui deviennent des racines, on voit les doigts qui deviennent des feuillages, les cheveux qui deviennent feuilles aussi. C'est un corps de femme, c'est un corps en pleine métamorphose. Ça, c'est totalement baroque. Vous parliez, Franck, de qu'est-ce que le baroque. Le baroque, entre autres, c'est le goût de l'instantanéité. Représenter le moment, et en sculpture, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et on est à une époque où le baroque est totalement mise en avant, car on est dans l'époque de ce qu'on a appelé longtemps la contre-réforme, qu'on appelle aujourd'hui la réforme catholique. Tout à fait, c'est exactement ça, et c'est ce qui explique d'ailleurs que Bernin ait pu travailler pour huit papes différents, ce qui est quand même extraordinaire. Il a une longue carrière, mais quand même 8 pontificats différents. Et Bernin, à chaque fois, est l'artiste phare de Rome. On peut d'ailleurs dire qu'à la mort de Bernin, le baroque s'épuise totalement à Rome. Et ça sera d'ailleurs l'époque où le baroque trouvera d'autres sources de régénérescence à l'est de l'Europe. Quel rapport entre la politique de l'Église et l'efflorescence de ce mouvement baroque? C'est un lien complet. On peut dire que le baroque, c'est un art éminemment catholique. C'est l'Église catholique qui veut prendre justement le contre-pied des principes qui sont ceux des réformés, d'où le terme de contre-réforme à une époque. Les réformés, eux, vont vers une simplification, une austérité, une simplicité, etc. Et l'Église se dit à ce moment-là, c'est le Concile de Trente, hein, pour simplifier c'est un peu. Du Concile de Trente. Le Concile de Trente se dit, plutôt que d'aller lutter sur le même terrain, nous on va faire l'inverse. Oui, en fait. On va renouer avec le caractère grandiose de l'Église. Il y avait une très jolie formule, les catholiques disaient, une Église doit être l'antichambre du paradis. Donc on doit avoir le sentiment de la richesse, de la magnificence, on doit utiliser les plus belles matières, les dorures, les marbres, le jaspe, toutes les matières les plus séduisantes, et on doit avoir un effet d'ensemble. Le baroque, c'est un art de la totalité, ce qu'on appelait le mirabile contrapposto, l'idée de l'ensemble complet. C'était véritablement une des choses que l'on souhaitait dans ces décors baroques. On parlait de la chèvre à Maltais, d'Apollon et Daphné, etc., qui se trouvait à la Villa Borghese. C'est pas un hasard, d'ailleurs. Hein. Le cardinal Scipion Borghese joue un rôle essentiel dans la vie de Bernin. C'est un des grands mécènes de jeunesse de Bernin, puisqu'il est d'abord le neveu du pape Paul V. C'est le premier pape pour lequel Bernin a travaillé. Et le cardinal Scipion Borghese, en tant que cardinal, il y a beaucoup à redire. En tant qu'amateur d'art, c'est un fou complet. C'est un collectionneur, mais névrotique, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Alors, j'ai sous les yeux une photo, c'est même un détail, de l'enlèvement de Proserpine. C'est assez extraordinaire parce que là, vraiment, on a l'impression que la statue est vivante. Hein, je vois le détail, c'est cette main de Pluton qui s'enfonce littéralement dans la chair de Proserpine. On a véritablement le sentiment que le marbre devient malléable, devient comme de la cire. J'ai fait passer ça, c'est la couverture d'un roman, un roman de Loïc Aubry qui s'appelle Les carnets secrets du Bernin. Et j'ai fait passer ça dans l'Open Space tout à l'heure et en demandant aux gens si c'était une statue ou une photo. Et tout le monde me dit c'est une photo. Oui, ça paraît fou. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et c'est l'artiste italien Le Bernin qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, votre invité, et Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, historien d'art et conférencier des musées nationaux. Et vous me disiez à l'instant, Anissa, que vous regardiez pendant qu'on parlait sur Internet des photos de cet Apollon et Daphné, et que c'est vrai, il faut souligner cet aspect, on a l'impression que c'est en mouvement, qu'on a presque l'impression, y compris quand on est vraiment devant les œuvres, qu'elle frémisse, qu'elle bouge, et on se dit c'est moi qui ai la berlue. Oui, c'est effectivement. Ouais, c'est on voit cette course qui est en train de se suspendre, de s'arrêter, mais on a l'impression que les personnages sont encore en train de courir devant nous. On a aussi l'impression dans cette sculpture baroque, et je parlais tout à l'heure de cette. Alors il y a l'extase de Thérèse aussi, hein, qui est évidemment dans le Saint-Pierre de Rome, qui est un chef-d'œuvre absolu, mais. Pas Saint-Pierre de Rome, Sainte-Marie de la Victoire. Sainte-Marie de la Victoire, mais qui est difficile à voir. Hein, absolument. Alors que l'autre, celle dont je parlais tout à l'heure à San Francesco à Ripa, là en revanche, on est dessus, hein, on est sur ce personnage de Ludovica Albertoni, oui. Et là vraiment, on a l'impression qu'on pourrait voir le souffle sortir de sa bouche. C'est extraordinaire, c'est le moment de l'agonie. C'est absolument extraordinaire parce que là aussi, toujours très très baroque, c'est cette captation des expressions. Alors ça peut être les expressions de douleur, l'expression de plaisir, l'expression de pamoison. C'est le cas de l'extase de Sainte-Thérèse. Et là, c'est le moment des derniers instants de la bienheureuse Albertoni. Et on a ce sentiment d'une agonie qui se joue devant nous. Et on voit, mais vraiment, c'est ce que vous disiez très bien Franck, comme si les derniers souffles étaient en train de s'échapper du corps. On ne parlera pas de la peinture de Bernin, parce que là, on parlait l'autre jour de Caravage de Rubens, évidemment, on est dans cette mouvance. Oui, et puis c'est une peinture qui est une œuvre de jeunesse. On peut que Bernin est peintre jeune. D'ailleurs, c'est petit détail amusant, les portraits ou autoportraits de Bernin font éminemment penser à Velázquez. C'est absolument étonnant, comme une sorte de parallélisme visuel entre cette peinture et les portraits de Velázquez. Extraordinaire. Et puis, il est aussi architecte. Et là, c'est étrange, parce qu'autant on a l'impression qu'on peut pas aller plus loin dans la sculpture. Il est d'une espèce d'énergie folle, de fantaisie, d'originalité poussée à l'extrême. Autant dans l'architecture, il a l'air plus sage d'une certaine manière. Il est plus sage. Effectivement, on peut dire qu'il est le plus baroque des baroques dans le monde de la sculpture. Dans le thème de l'architecture, il a un côté plus classique. On peut dire que son rival Borromini est plus extrême dans les recherches architecturales. Bernat a besoin de donner des formes qui ont une certaine stabilité, ce qui n'est pas le cas de Borromini, qui va toujours dans la recherche du mouvement complet. Alors, ce qui est exceptionnel, je pense, quand on parle des chefs-d'œuvre de l'architecture, c'est entre autres l'aménagement de la place Saint-Pierre de Rome, ce que l'on appelle la colonnade de Saint-Pierre, et qui est en plus un tour de force technique à tous les niveaux. Là, c'est une commande du pape Alexandre VII, et c'est un aménagement hallucinant, puisque Bernin avait contre lui toutes les conditions techniques possibles. Il y a devant Saint-Pierre de Rome un obélisque qui avait été érigé au XVIe siècle, auquel on ne pouvait pas toucher pour des tas de raisons symboliques. Il y avait les bâtiments du palais du Vatican, évidemment auxquels on ne pouvait pas toucher. Et Bernin arrive à créer une forme totalement originale, qui devient une forme qui associe la basilique Saint-Pierre de Rome, le palais du Vatican et la place, et qui devient en plus une forme symbolique, puisque cette forme, elle prend pratiquement la forme d'une clé. Quand on sait que le symbole de Saint-Pierre et la clé, on est évidemment dans cette image. Et en plus, les deux colonnades qui partent de part et d'autre de la palace font penser aux deux bras du Christ qui s'ouvrent pour accueillir les fidèles. Dans l'idée d'une église catholique qui veut récupérer des fidèles qu'elle a perdus avec la réforme, c'est évidemment une image ô combien porteuse. Le grand pape qui va, l'un de ceux hein, qui vont soutenir Bernin, mais celui qui va lui donner ses plus grands chantiers, c'est Urbain VIII, qui est un Barberini, lui. Ah oui, alors c'est aussi ce qui est prodigieux, c'est que tous ces papes appartiennent à une plus grande famille de collectionneurs. Voilà, vous le savez, Franck, c'est-à-dire qu'on a parlé de Paul V qui était un Borghese, là nous sommes avec Urbain VIII qui est un Barberini, et alors là, bien évidemment, le chef-d'œuvre réalisé, c'est le baldaquin de Saint-Pierre de Rome, et ça alors c'est une commande. Et ça, tous nos auditeurs connaissent ça, puisqu'on a vu un jour ou l'autre des images du pape célébrant la messe, et ça a lieu sous cette espèce de gigantesque portique qu'on appelle un baldaquin. Alors ce sont des grands pieds torsadés qui sont en bronze. C'est du bronze, alors sur une âme de bois quand même, mais c'est du bronze monumental. Il faut imaginer que le baldaquin fait la hauteur d'un palais de la Renaissance. C'est véritablement une association architecture-sculture. C'est un palais dans la basilique. C'est un palais dans la basilique colossale absolument de Saint-Pierre de Rome. Et d'ailleurs, petit problème, Bernin va devoir, à la demande du pape Urbain VIII, faire des choses absolument scandaleuses, puisque ce baldaquin, on avait très peur d'une chose, c'était évidemment son poids. On a donc fait des fondations extrêmement profondes. Et là, il y avait un drame, puisque le baldaquin est sous la coupole qui est elle-même au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. Et autour de la tombe de Saint-Pierre, il y a eu très tôt des sépultures chrétiennes, des premiers chrétiens voulant être enterrés auprès du premier apôtre. Et pour réaliser les fondations du baldaquin, eh bien, on n'a pas hésité à détruire des tombes des premiers chrétiens. Premier scandale. Deuxième scandale absolument hallucinant. Où trouver ce bronze? On avait besoin de cette matière. Et là, on n'a pas hésité à faire une chose, mais démente, qui sera un scandale absolu. On va récupérer une partie des bronzes antiques du Panthéon de Rome. C'est-à-dire qu'on va fondre des bronzes antiques pour réaliser le baldaquin. Et Franck, vous le savez, ça sera à l'origine d'une phrase célèbre à l'époque. Tout Rome dira « Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini ». Ce que les barbares n'ont pas fait, les barberini l'ont fait, puisque Urbain VIII était un barberini, c'était un moyen d'attaquer. On avait osé détruire le décor du Panthéon, le décor de bronze. Alors, ce baldaquin sera quand même un succès énorme, ne serait-ce que par sa monumentalité. Une monumentalité qui ne l'empêche pas d'avoir l'air aérien, c'est ça qui est étrange. Hein. Ça pèse effectivement un poids fabuleux. Je sais pas combien, mais enfin c'est énorme. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est très très très aérien. Et on reprend le principe de ce qu'étaient les baldaquins de tissu, c'est-à-dire que le bronze imite au fond ce qui serait cette matière beaucoup plus légère que seraient les décors de drapés que l'on pouvait trouver à l'époque au-dessus des trônes pontificaux ou autres. Et c'est vrai que ce baldaquin aura un succès colossal. Toute l'Europe catholique connaîtra véritablement des baldaquins. Et j'oserais dire pour nos auditeurs parisiens qu'il y a même en France un baldaquin qui est une copie du baldaquin de Saint-Pierre de Rome. C'est le baldaquin de l'église du Val-de-Grâce à Paris, sous la coupole décorée par Pierre Mignard, un des grands artistes de Louis XIV. Il y a un baldaquin qui est une reprise du baldaquin de Saint-Pierre. Donc même en France, il faut aller au Val-de-Grâce, grande église d'Anne d'Autriche, absolument sublime au niveau de cet aménagement baroque. Alors, on ne va pas parler de tous les pontificats, de tous les papes pour lesquels a travaillé Bernin. Il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est qu'il est un peu le seul. Est-ce qu'il a des concurrents d'une certaine manière ou des rivaux ? On peut dire que j'ai mentionné son nom. Le grand rival, c'est en architecture Borromini. Il y a vraiment une sorte de haine absolue. Alors, il faut savoir qu'ils ont quand même travaillé sur un seul chantier en commun. Ça s'est horriblement mal passé. C'est le palais Barberini, justement, où là, Bernin a près de lui Borromini. Et la mésentente est totale, la rivalité est totale et par la suite, cette rivalité va devenir une haine absolument au couteau. Quand on est à Rome, évidemment, on vous conseille d'aller manger une glace sur la place Navone, hein, sur la Piazza Navona, qui est un ancien cirque romain, ce qui lui donne ce côté très allongé, magnifique. Assez beau d'ailleurs. Et il y a là une fontaine ornée de grandes sculptures de Bernin qui tourne le dos à une façade de Borromini, justement. Oui, exactement. Alors, c'est une commande là, du pape Innocent X, alors c'est assez abusant, parce qu'Innocent X est un pamphylie, il a pris la suite du pape Urbain VIII. Il faut savoir que les pamphylies détestaient les Barberini. Donc quand Innocent X devient pape, a priori c'est le purgatoire pour Bernin. Parce que tous les artistes qui avaient travaillé pour le pape Barberini sont mis à l'index par le pape pamphylie. Et Bernin sera le seul à malgré tout avoir des commandes devant son talent. Même les pamphylies sont obligés de le faire travailler. Et c'est le principe de la grande fontaine des fleuves à côté de l'église Sainte-Agnès de Borromini. Alors, jolie petite histoire. C'est vrai, ça, alors C'est faux, mais c'est merveilleux, puisqu'il y a un des quatre fleuves qui a le visage voilé. Alors, en fait, c'est le fleuve qui est le Nil. Et à l'époque, on ne connaissait pas les sources du Nil. On ne savait pas quelle était la source du Nil. Mais à Rome, on racontait que si le Nil avait les yeux voilés, c'était pour ne pas voir l'horrible façade de Borromini qui était la façade de l'église Sainte-Agnès. Ça pourrait. Le genre de choses. Oui, voilà. De même qu'il y a un autre fleuve qui tend la main avec la pression d'être en mouvement, ça va tomber. Et là aussi, on disait que c'est évidemment devant c'est le côté... C'est même encore plus spectaculaire. On a vraiment l'impression qu'il a peur protège. Que la façade ne lui tombe si dessus. Sainte Agnès lui tombait dessus. C'est ça, voilà. Ça fait un peu ça quand même. Alors, c'est tout à fait ça. On pourrait presque dire qu'après tant de gloire, un artiste qui a connu une sorte de déification de son Absolument. Vivant, on se demande un peu ce qu'il est allé faire à Paris pour être en plus, j'allais dire mal reçu, non, puisqu'il a été très bien reçu par le roi Louis XIV en personne, mais enfin... On peut pas dire que ce qu'il a réalisé à Paris était tellement bien accueilli. Non, c'est ouais. moi qu'on puisse dire. Il aurait pu s'abstenir de faire ce voyage. Il aurait pu, oui, c'est peut-être le voyage de trop. En tout cas, c'était une reconnaissance, puisque s'il y a bien un pays catholique qui n'a pas été très sensible au baroque, c'est la France. Et malgré tout, Bernin est invité. Et ce voyage, évidemment, c'est un petit peu l'épine dans le pied de la carrière de Bernin. Mais c'est quand même un bel hommage qui lui était rendu. Et c'est quand même, j'allais dire, au moins à l'origine de quelques chefs-d'œuvre, comme le buste de Louis XIV, comme la statue tout compte fait devenue le Marcus Curtius dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on pourrait retenir peut-être de cette espèce de d'efflorescence baroque extraordinaire, c'est l'extase. Que ce soit l'extase de Ludovica ou l'extase de Sainte-Thérèse d'Avila, finalement, Je veux dire que l'extase de Sainte-Thérèse à Sainte-Marie de la Victoire, pour moi, c'est une des œuvres religieuses les plus inspirées qui soit. Cette vision de Sainte-Thérèse d'Avila qui est dépossédée d'elle-même face à un ange qui brandit une flèche d'or qu'il va lui plonger dans le cœur est une sorte d'image, là aussi magique, dans le traitement du marbre. Et c'est l'idée vraiment de la pamoison baroque par excellence. Alors évidemment, c'est le comble de l'horreur pour un réformé. Ou même pour un Français du 18e visitant l'Italie par la suite. Ça sera typiquement, où on pense au président de Brosse qui, regardant ce visage de la sainte en pamoison, disait simplement « si c'est ça l'extase, moi je connais ». Ce qui était évidemment terriblement en rapport avec une réalité différente. Et moi qui pensais finir sur une note sublime. Merci beaucoup Serge Lega. Les carnets secrets du Bernin, c'est le titre d'un roman de Loïc Aubry qui est publié chez Bordesoul. Et puis, si vous voulez revivre le voyage de Bernin en France, et bien vous avez ce journal du voyage du cavalier Bernin en France par Paul Fréard de Chanteloup. C'est une sorte de fac-similé qui permet de revivre tout ce moment extraordinaire. l'instant sur Europe 1, Franck Ferrand, vous nous donnerez les origines de l'usage des dessins pour représenter les acteurs d'un procès. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question d'Audrey via le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr. Bonjour Franck, pourriez-vous revenir sur l'usage du dessin pour représenter les différents protagonistes lors d'un procès ? Alors, la réponse est très simple, Audrey. C'est qu'en fait, vous savez que très très tôt, on a eu dans les cours de justice des gens qui venaient représenter comme ça, notamment les accusés, bien entendu, c'est l'essentiel, mais aussi les témoins, etc. Le but, c'était de faire connaître au public, comme on ferait aujourd'hui des photos ou des films. Sauf qu'à la suite d'un certain nombre de procès qui ont été perturbés par les journalistes, on a pris la fameuse loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n'est-ce pas, qui prohibait toute forme de photographie pendant les débats. Et tout ça sera repris par la loi du 6 décembre 1954, modifiant donc celle de juillet 81, qui proscrit tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'à partir du moment où la séance commence, il n'est plus possible de rien enregistrer. C'est interdit. C'est prohibé par la loi. Donc, évidemment, vous imaginez que les sketchers, comme on les appelle, hein, les gens qui sont là pour faire des dessins, prennent une importance folle, puisque c'est par eux qu'on aura les attitudes de l'avocat pendant sa plaidoirie ou de l'avocat général pendant son réquisitoire. Donc ça devient un document très important. Celui qui s'est rendu célèbre en faisant ses très beaux dessins de justice, c'est Honoré Daumier, bien entendu, dont la série Jean de Justice rassemble 38 lithographies parues dans le Charivari entre 1845 et 1848. Il y en a eu beaucoup, beaucoup depuis, bien entendu. Vous savez qu'il y a eu quand même quelques exceptions. En 85, on a filmé le procès Barbie et par la suite, les procès de Touvier et de Maurice Papon également ont été comme ça filmés. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Bonjour Elena Mornam. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors on s'intéresse aujourd'hui aux 63 millions d'animaux de compagnie. On en fait quoi pendant les vacances ? Je connais votre réponse Franck. La meilleure façon de s'en occuper, c'est de ne pas en avoir, de ne pas en adopter. Mais pour ceux qui en ont, si vous êtes à la recherche d'une solution, et on a des réponses avec les experts, vos questions, vos propositions de garde aussi au 3921 ou sur europe1.fr. En tout cas, ne les abandonnez pas, c'est la moindre c'est des choses. C'est la mission des experts aussi. Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Nissa. À demain. C'était Franck Ferrand sur Europe 1.